les bêtes, Biggie pige, que la retourne, j'y croyais vraiment plus. J'avais perdu espoir d'aimer ma vie ou d'y trouver un but. Depuis peu, depuis que mon amour n'est plus, depuis que j'ai appris qu'il y a certains êtres que la confiance n'est plus. Après avoir touché le fond, sache que tu ne peux que remonter. Qu'il n'y a pas d'insurmontable, qu'une barrière que tu puisses démonter. Que tout se monnaie de sa vertu à tes deux reins. Que la bouche que tu nourris est celle qui te mordra demain. La route tourne et on tourne avec cette pute. T'auras avalé mon foot, en mon témoin, arrête cette pute. Peu importe si l'équipe est bloquée en bas de l'échelle. J'entrevois des jours plus clairs tandis que les démons se déchaînent. Reste buté, ouais, mais sache que rien n'est figé. Rappelle-toi qu'il n'y a que deux pas entre kiffer et mépriser. Ne compte plus en sortir indemne. Comme si un simple loup blessé pouvait faire front face à 100 miennes. Sous un scout à 70, le ring sur les basses. 4 mon sens m'a dit la route tourne moins vite que les tasses. Fastoche, l'amour me flippe comme la vie d'Eva Brand. Un regard droite, un regard gauche avant de vider la bande. Mon groupe fait mieux la mode que les Allemands à Varsovie. J'écris avant d'être mort, j'écris parce que le rap manque de gasoline. M6 n'est pas un cœur, juste un bout de toundra. Amine m'a dit ma gueule, un de ces jours la route tournera. Elle, c'est pas le goudron qui parle quand j'ai le bourdon. Laisse-moi poser comme un alpha, laisse-moi péter un boulon. J'baisse la FM parce que le mal soigne le mal. Signé BFS, porteur de l'écharpe violette, les soirs de match. Plus rien tourne en foiré, les tragédies s'enchaînent. Et c'est parce que la roue est voilée que les carrés gigantesques. Toulouse et nous c'est le grand love, enfant du clandestin. Nos destins ne peuvent plus attendre que la roue tourne encore. J'ai attendu mon tour à y perdre un temps fou, arpenter quelques sentiers et puis certaines pentes. J'ai prêté l'oreille et pu entendre ce que le terre-terre pense. Perdu quelques temps, pourtant je n'ai pas tendu ma joue. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour avancer de claque en claque. Tout capter de la vie, même si je n'en comprenais pas le langage. J'ai gardé l'avantage, traversé de part en part ces obstacles. Car tu sais, chez nous tout le monde part d'en bas. La roue tourne alors je n'ai jamais pris les jambes à mon cou. À bout de souffle, j'étais du coup, j'ai squatté les alentours. J'ai forgé un talent fou. Et si ma langue fourche, c'est seulement parce que c'est mon amertume qui te parle avant tout. Tout est temporaire, le bien comme le mauvais. Je m'adresse à ces jeunes qui vivent chaque jour sans trop de grève. Qu'ils se bougent leur trop d'air, ça fume, ça gamberge. La roue tourne mon pote et seul Dieu nous en protège. Polychrome 7, Sindo, abrasif. Pour les clandestins d'hiver. La roue tourne mon pote.